Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Tu vas tenter de battre Aline. Pour ça, il faut discuter avec elle pendant une minute, d'accord? Une minute maximum, ouais. Bien sûr. Et tenter de lui faire dire oui, non ou le. Le. Voilà. Donc toi tu dois pas le dire, mais par contre tu dois tout faire pour lui faire dire évidemment. Si tu y arrives en déant la minute, c'est gagné. Sinon bah forcément c'est perdu. Une minute maximum. Bonne chance Anthony. Ok. Allez c'est parti, on y va, go. Anthony. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Tu fais quoi de beau? Pardon. On travaille. Et toi que fais-tu? Pas bon de partir au travail. J'ai rien compris. Pardon? Je vais pas tarder à partir au travail. Ok, il faut que je me concentre parce que Mickaël est en train de me perturber. Ouais, mais de toute t'aimes façon, bien le travail que tu fais? Tu vas perdre. Hein. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Ah bah. Est-ce que t'aimes bien le travail que tu fais? Perdu! Est-ce que t'aimes bien le travail que tu fais? Ah oui, voilà! Deuxième échec d'affilée! Oh là là là là là là là là là là là là là! J'ai laissé gagner, voilà! Arrête un peu, t'as été mauvaise, c'est tout! Moins mauvaise qu'hier, mais t'as été mauvaise quand même! Mon dieu! Bon, Anthony, 22 ans de Villers-la-Ville, c'est gagné! Tu repars avec l'iPod, c'est pour toi! La classe! Y'a pas de problème! Tu préfères l'iPod ou FIFA 13, comme tu veux? FIFA 13 je l'ai déjà donc. Ah bah alors l'iPod alors. L'iPod, hein. Eh bah écoute, pas de problème, tu restes bien au standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer l'iPod moi, rapidos. D'accord? Ouais, ça va, okay. Salut Anthony, à bientôt. Salut. Ciao, salut, ciao, salut. Bye bye. Tous les matins, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est potentiel, c'est maintenant à base aveugle. Mais à base de quoi précisément? Bah non, en fait, je me suis demandé si on pouvait vraiment prendre en compte le point de vue d'un aveugle. Bah bien sûr. Bah oui, c'est logique. Bah oui, non mais point de vue aveugle, c'est encore une vanne. Bon allez. Oui. Bah non, c'est pas une vanne. On va appeler Avin Allemand pour se renseigner. D'ailleurs, comment est-ce qu'un aveugle peut avoir un point de vue? Bien sûr. Je comprends cette question existentielle qui porte bien son nom. Bah, je vous remercie. Allez, on appelle Avin Allemand maintenant. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Au taquet ce matin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Oui, je vous écoute. Voilà, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre en compte le point de vue d'un aveugle? Vous ne vous êtes pas présenté et j'aimerais savoir pour qui vous appelez. Ben en fait, voilà, je m'appelle Toff et je me suis réveillé ce matin en me demandant si je pouvais vraiment faire confiance au point de vue d'un aveugle. Et moi, monsieur, je vous signale que vous téléphonez, je ne sais pas de quel pays vous téléphonez, mais je vous signale qu'ici, il fait très noir et que les gens dorment. Ah oui, mais vous savez, je vous appelle de Bruxelles. J'espère que vous prenez un petit peu conscience que pour vos campagnes publicitaires ou pour vos questions, vous emmerdez le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Bah, enfin, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une question en toute sympathie. Oui, ben, c'est une question en toute sympathie. Vous pourriez la poser à 16h ou à 17h, monsieur. Je pense que vos campagnes de promotion, vous pourriez les faire au moins à une heure décente. Mais je n'ai rien à vous vendre, monsieur. Moi, je pose juste la question parce que je me suis réveillé ce matin en me demandant ça. Oui, ben c'est très gentil. De surcroît, si vous insistez vraiment par rapport à votre attitude, je ne manquerai pas de faire identifier l'appelant et de vous faire identifier formellement pour me plaindre de vos agissements. N'est-il pas? D'accord, mais pour répondre à ma question. Non, monsieur, je pense que la communication va s'arrêter là maintenant. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur, au revoir. Ah ben c'est cool, il n'a pas répondu. Bah, on va le rappeler, il a pas répondu, ce serait malheureux. Attends, quand même. Tout ce discours pour rien. Bah ben oui, en plus il parlait tellement bien. Plaît-il, dit-il pas. Oui, bonjour monsieur. Je pense que la conversation va s'arrêter. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. On rappelle Avin Allemand. Oui, allô? Oui, excusez-moi, mais tout ça ne répond pas à ma question, monsieur. Monsieur, vous appelez de la part de qui? De la part de Toff, je vous l'ai déjà dit. Je vais vous répondre que

mais il faudra que je reparte vers chez toi vers 17h30, donc voilà. Donc je viendrai en voiture. Voilà. On va rappelle-moi dès que tu peux. Fausse invitation. Eh ben écoute, c'est quelle magnifique invitation, ça donne envie, Aline. Oui, c'est ça. Ah, Audrey, oui, allons oui, tous chez Cocoland. Mais oui, allons, on y va directement chez Cocoland. Mickaël à la radio, le replay.